Jadoul dans la trappe, comme tous les mercredis, c'est votre podcast qui est disponible pour vous ambiancer, pour vous donner de la bonne humeur, pour vous donner des actus qu'il fallait absolument pas savoir et plein de belles choses qu'il y a dans cette émission qu'on vient de terminer au moment où on vous parle. Ah ouais. Donc ça veut dire que c'est bon. Ouais. Ah, le gâteau, il est bon. Mais c'est-à-dire qu'on peut pas tourner ça avant, vu que j'arrive une minute avant. Oui, parce que vous allez l'entendre, elle arrive sur le générique. Ouais. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le gâteau qui est au chocolat a le temps de bien fondre et d'être bien moelleux. Ah ouais, ah bah là, il est bien moelleux. Vous découvrirez pourquoi est-ce qu'il y a un gâteau dans cette émission. Jusqu'ici, vous ne le savez pas, mais pour le moment, on ressemble à juste une grande secte avec tous nos chapeaux sur la tête. D'ailleurs, adaptons la musique, s'il vous plaît. Là, c'est quand même mieux. L'ambiance est beaucoup plus festive. Quelqu'un veut un bout ? Vous l'avez compris, une émission très festive aujourd'hui qui vous attend, avec aussi le fallait nous dire plutôt de Maëva. Pourquoi est-ce que les flamants roses mangent des crevettes et deviennent roses ? C'est ça ? Ah merde, j'ai donné la réponse. On la coupera. Maëva, il fallait nous lire plutôt, ce sera. Mais. Ah, tu vas couper ? Bah oui, je vais couper. Ah ! Hein ? Bien, fais-le, relance-moi. Maëva ? Oui ? Oh ! Qu'est-ce que. C'est quoi le fallait nous dire plutôt ? Pourquoi les flamants roses sont roses ? Oh ! Oh ! J'ai une question, mais j'ai pas du tout la réponse. On verra ça dans un instant. Et puis dans ce podcast, il y aura plein de belles surprises. Vous allez voir des nouvelles séquences, des séquences qui ne sont pas là pour aérer un peu. Et puis vous allez découvrir, on vous a prévu des énormes surprises. D'ailleurs, Kix, il s'en remet à peine. Ouais. Ça va être très sympa. Et évidemment, comme chaque émission, je vais péter un câble sur Kix. Énorme. Bah, parce qu'il ne lancera pas les sons. Bref, j'ai l'impression de faire, vous savez, ce teasing qu'il y a dans les sitcoms. Ouais. Vous savez, c'est ça. Hein, comme à chaque fois, Kix fera des erreurs. Antoine sera là pour nous annoncer des choses. Et est-ce que Brenda finira avec Jadoul ? Bah, j'espère. C'est pas moi, Brenda. Ah merde. Non. Ah, c'est dommage. J'avais déjà demandé ta main. Bon, j'en ferai un teasing d'un son. C'est peut-être pas très bon. Hein. Abonnez-vous au podcast. Parlez-en autour de vous. Puis si ça vous plaît. Dites-le à NRG. Dites-le à des radios. Comme ça, on se fera engager. Peut-être un jour, on touchera un salaire pour cette émission. Et peut-être qu'on le fera. Et pour rembourser le gâteau. Oui, pour rembourser le gâteau. Parce que, putain, cette émission me coûte une couille. Allez. Tout le monde va bien sinon ? Toi, très bien. Vous avez passé une belle émission ? Oui, hein. Ouais. Ah bien, c'est parfait. Le before est terminé, qui est en fait l'after, mais que vous avez avant l'émission. C'est quand même pas du tout logique. Ouais, mais faut pas le dire. Chut, on va faire croire qu'on l'a enregistré avant l'émission. À cause de Maëva, on peut pas faire croire ça. Oh, ça va, ouais, bah, nous, c'est la radio de la vérité. Ici, c'est le podcast de la vérité. On n'est pas là pour mentir comme tous les autres. Merci de nous avoir choisis. On a fait ça le 10 janvier. Starts now. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Les bons délires, ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. 3, 2, 1, tous les mercredis, la trappe avec Jadoul et toute son équipe en podcast. Waouh! Bienvenue, bonsoir, on est en direct avec vous, on s'installe. Nous, c'est une émission qui est faite à la bonne franquette pour tout vous dire. Maëva sort des toilettes. Oui! C'est vrai en plus. Ah, ça fait du bien. On doit la vérité à nos auditeurs, enfin, Maëva. Mais oui, bah écoute, ça arrive, un petit pipi pressé. Arrivé ici avec cette expression que j'avais pas entendue. C'était quoi ? J'ai pipi ? J'ai quoi ? J'ai pipi. J'ai pipi urgent. J'ai pipi. Oui, attends, qu'est-ce que je t'ai dit ? Je sais pas. Moi, j'ai pipi. Oui, urgent. J'ai pipi urgent. J'ai pipi. Mais c'est mignon. J'ai pipi urgent. Il y en a qui ont pitié, il y en a qui ont pipi urgent. Ce sont deux concepts complètement différents, mais qu'on aime beaucoup. Merci Maëva en tout cas d'être là. Hein. Avec plaisir. Une entrée remarquée comme chaque semaine dans l'émission. Difficile de passer à côté d'elle. Hein. Là, ça va Maëva sinon ? Oui, ça va et toi ? T'as passé un bon début de semaine ? Très bon. Eh ben je vais bien alors. Tant qu'à faire, on va présenter toute l'équipe. Oui. Bah oui. Rien que pour avoir répondu, ce sera la fin, toi. Bonsoir, Antoine. Bonsoir. Toine. Toine. Toine. Mais pourquoi Toine ? Toine. C'est une enveloppe qu'un certain Jadoul m'a filée une fois avec qui m'a pris en grand. Toine. J'ai écrit Toine. C'est rigolo, non ? Toine. Toine. Oui. C'est quasiment le surnom que me donne tout le monde. Non, à mon avis, ça doit être plus kitsch, ça doit être Totone. Non, c'est Toinou. Ah oui, Toinou. C'est encore pire, oui. Voilà. Let's go. Et Kiki d'amour, comment oui, il va? Bah, je vais très très bien. Ah. Je suis en forme, donc parfait. Kik, c'est en forme. Oui. Ah. En forme de quoi? Ah bah ça, je ne sais pas encore. Ah, bah, c'est super. Je compte sur vous pour me le dire, mais. Ah d'ailleurs. Ah. Des folles hypothèses se sont propagées sur les réseaux sociaux américains. Aïe. Attestant la présence d'un alien de 3 mètres de haut dans les rues de Miami. Des adolescents effrayés couraient dans la rue. Vous vous rendez compte, un alien haut de 3 mètres. Oh. Ça donnait ça dans les rues. Oh. C'était le monstre, ça, Guy? Oui, j'ai essayé. De... Non, peut-être pas le monstre. Ouais. T'as d'autres imitations à nous faire parce que... Bah, juste, attends. Ouais, non, non, ça va pas, ça va pas. Je sais pas, je vais... Alors que l'alien... Ah, toi, tu le tiens bien. Oui, moi, l'imitation est plutôt bonne. Ouais, mais il y a plus de budget. Bof. Quoi? Moi, j'ai pas de budget, toi, t'en as un peu plus. J'ai semé la terreur dans les rues de Miami, aux États-Unis, pour ceux qui ne savent pas. Les États-Unis d'Amérique. L'Amérique du Nord, oui. Bon, bref, cet alien pour ce moment a complètement paniqué tout le monde dans les rues. Et en fait, derrière tout ça, oui, c'était simplement une petite bande d'adolescents. Oh, mais oh, oui, ce n'est pas des vrais aliens, ils étaient dans un centre commercial. Sale gosse. Ils ont allumé des feux d'artifice et tout le monde a cru que c'était une fusillade ou alors des extraterrestres. Donc la police est intervenue, il y avait un monde pas possible. C'était une catastrophe et ils se sont rendus compte à ce moment-là qu'à cause de TikTok, toute l'information publique était biaisée. Mais c'est ricain, mais il y a que là-bas c'est que ça peut se quoi passer. Enfin, tu vois un pétard, oh non, il y a des aliens ou une fusillade. Enfin, bon, la fusillade, ok, c'était un peu plus plausible, mais un alien. Ouais. Et ben, non, non, y a bah, moi, c'est y a normal. Qui, voilà, ça se propage. Ok, oui, ok, mais c'est normal. Bah, let's go. C'est les États-Unis, madame. Oui, ben sacrés oui, aliens. Tout est possible, tout est possible. Et où laisse les aliens? Lâche ce bouton. Ah, pardon. Mais pourquoi c'est toujours. Moi, je voulais faire l'alien. Tu voulais faire l'alien? Oui. Oh là là. Vas-y, Maëva avec la voix d'alien. Allez, Maëva avec une voix d'alien. Là, on va encore bien se marrer. Ça va être incroyable. Et action. T'es sûr que c'est ce qu'il faut pour débuter l'émission? Parce que moi, je suis oui pas sûr. Bon, bah, écoute, ouais, franchement. Non, ok. Bon, d'accord. Voici Maëva en alien. Bonjour. Ça te rend bien? Non. Oui. Mais attends, attends, attends, attends. Attends. Mais ça va, est-ce que... C'est quoi, on va te laisser le truc, on va te laisser moi, faire ça en antenne. Offre-moi ça pour mon anniversaire, des trucs de voix, je m'éclate à chaque fois. Super cadeau. C'est génial. Mon Dieu. Quel début d'émission. Oh là. Dans un instant, on va faire un tour sur une émission télé, c'est ça, Kix? C'est bien ça, oui. RTL TV. C'est une émission, ça. Bah oui. Une très grosse émission. Bah, c'est sur une émission, oui, c'est, j'ai pas le nom ici. C'est 100 jours aux côtés de la police, je crois. De la, ça, route. De la route. Même. Voilà, tu vois. C'est revenu. Waouh. Dans un instant, on aura aussi le Fallen Beer plutôt, Maëva. Ça va être quoi l'énigme? Pourquoi les flamants roses sont roses? Ah, oh, c'est encore une belle émission. Ce mais c'est un savoir inutile. Oui, j'aime bien. Non, c'est vrai que c'est intéressant. Voilà, c'est... Pourquoi les flamants roses sont roses? Mais oui. Mais c'est une question à la con. Pourquoi est-ce que la Tour Eiffel est. Mais non, parce qu'ils naissent gris, les enfants. Ah. Ah. Comme les crevettes. Ah non, c'est l'inverse. Non, bah non. C'est quand on les cuit, Nunuche, qu'elles deviennent roses. Et est-ce que vos enfants naissent gris, vous aussi? Contactez-moi. Envoyez-nous la réponse sur Instagram, j'ai Jadoul. Eh ben, j'ai lâché la rampe de l'émission. Je suis complètement. Mais suis-je ivre? Vieux poireau. Ouais, je pense que là j'ai basculé dans une autre dimension. Merci de nous avoir choisis. Passez une belle soirée en notre compagnie. On va faire de notre mieux et vous avez vu, ça démarre déjà très très bien. C'est Jadoul en podcast. J'ai cru que j'allais jamais être prêt, moi. J'espère que vous allez bien de l'autre côté de la radio. Nous, il faut qu'on s'explique pourquoi est-ce que les flamants roses sont roses. Oui. Ça, on n'a pas encore la réponse. C'est quelque chose qui devrait arriver sous peu avec Maëva. Toujours pas d'idée dans l'équipe? Non, pas du tout. Mais sérieux, parce que en fait, c'est quelque chose qui est assez connu, donc j'avais peur que vous donniez directement la réponse. Peut-être que les gens qui nous écoutent ont la réponse. Ah bah dites-moi, soufflez-moi. Attendez, oui, soufflez-moi sur mon Instagram. Il prend plus de lumière. Je sais pas. Peut-être pour remarquer le flamant rose enfant et adulte. Je sais pas, c'est des idées comme ça. Je sais pas. Ok. Il les peigne. Oui. Ça se trouve, il y a une énorme arnaque hein, depuis des siècles. Exactement. On sait peut-être pas. Avant ça, laissez-moi vous reparler de cette émission qui se déroule sur RTL TVI, 100 jours avec la police de la route. Alors, grâce à ce programme, on se rend compte que la police tombe souvent sur de drôles de situations. Bonsoir, monsieur. Enfin, bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive ? On peut rentrer ? On va rentrer. Comment ? Qu'est-ce qu'elle a, votre tête ? Un coup de marteau ? Oh la vache. Ok. L'homme est âgé de 93 ans, il vit seul et il aurait été frappé par un coup de marteau. Ok. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a appelé la police. Mais il semble pas vraiment aimer la présence des policiers qu'il a appelé lui-même chez lui. Il a appelé le 17. Oui, bah c'est pour ça qu'on est là. Oui, et bah mais c'est tout. Mais j'ai pas besoin d'un monde comme ça. Alors cela dit, les policiers sont là pour faire leur travail, donc ils n'ont pas le choix que de poser des questions. Questions qui vont très vite ressortir un côté diabolique chez ce monsieur. C'est rentré par où, comment ? Bah, par les portes. Bon. Il va falloir que je verrouille ça beaucoup plus profondément. Je vais très certainement mettre, je ne sais pas si on a le droit, mais de mettre des électrifications pour pouvoir tuer les gens. J'ai marqué qu'il ne faut pas rentrer. Ah oui, quand même. Ah, je ne m'attendais vraiment pas à ce son. Bâtir des portes électriques. Oui, quelle belle idée. Je vais mettre ça sur mon bureau, tiens. Quand vous venez demander des sous alors qu'on n'en a pas. Oh là là, merci. Hein. Oh là là, heureusement qu'il ne les a pas menacés avec une arme à feu. Le premier qui va rentrer, il va être fusillé. Ah. Bah, bonjour, enchanté. Voilà, voilà. En réalité, ce monsieur a les symptômes de la sénilité, vous voyez. Tous les fils ne se touchent plus, en gros. Ok. Et les policiers sont donc venus pour rien et tout ça était imaginé. Reste plus qu'aux policiers de partir. Écoutez comment il dégage les policiers. Allez, dehors ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel-là ? C'est le service militaire, ça ! Très sympa, chouette ambiance en tout cas. Il démarre bien l'année 2024. Ils ne savent pas articuler, ils n'ont pas un physique facile et ils ne comprennent pas grand-chose. Oui, ils ont toutes les qualités pour être partout en podcast. C'est Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Allez. Rassure-moi, c'était pour vous trois, hein, le jingle d'avant. Oui, tu fais pas partie de ça. Non. Si tu te sens exclu, bon. Voilà quoi. Faut juste que les bonnes personnes se sentent visées. Merci de nous avoir tous regardés. Ah, vous avez senti que je vous ai regardé ? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Ouais. Ouais, c'est le jingle, c'est pas moi. Hein. La sortie, le Ice Contact, là, tu vois. Eye Contact. Ah oui, Ice, c'est Ice-T. Bah, Ice, pas au pluriel. Ice, ICE, lui. Mais le contact glacial. Le contact glacial, ouais. Oh, mais t'es fait. Non, mais je sais que c'est EYE. Oui, reste comme ça. Du coup, si c'est. Bien sûr. Bah oui. Yeux fermés en anglais ? Merde. Bah, c'était du plan langue. Allez, yeux fermés en anglais. Ice clos. Non. Yeux fermés. Oui, yeux fermés. Je me mets au niveau de qui. De toute façon, il y a peut-être une expression. Hein. Mais oui, mais allez. Attends, parce qu'il trouve toujours pas. Bah, dites-le, vous, au lieu de me fusiller, moi. Ice closed. Closed eyes. Ouais. Ah bah voilà, ça fait ouais. Mal, hein. Quoique, je suis pas sûr. Hein. Bah, je suis désolé, Ed Sheeran, il chante Eyes Closed. Oui, mais il y a un petit S, alors Eyes oui, is Closed. Tu l'as pas entendu ? Ah non. Eyes Closed. Ouais, ouais. Ah, donc Eyes. Eyes. T'as raison. Mais tu l'écrivais pas pareil. Quel est le mot ? Non, toi t'as dit Eyes comme mais glace. Mais est-ce qu'on vraiment 2 minutes 17 là-dessus oui. On n'est pas Dora, j'ai fait exprès en anglais. C'est fini. C'est parti les amis. Allez, shipper, arrête de shipper. Dans un instant, Antoine, notre shipper professionnel, va nous parler de... du casque d'Apple. Apple a lâché les derniers, des dernières caractéristiques, les dernières infos. On en parle dans quelques instants. Il n'est pas sorti ce casque ? Non, il sort très bientôt. Il l'avait annoncé en grande pompe, j'ai l'impression qu'il était... Ah oui, ils l'ont annoncé il y a bien longtemps, mais l'année dernière. Dans un gros mois, on en parle dans quelques instants. Oh là là, bon ok, on en saura plus, notre invité dans l'interview brutale. Clément Collin. Oui, il n'est pas connu en fait. Petit poisson ? Non, pas du tout. C'est un artisan designer écologue. Oui. Et Marcel Cabillaud, bien sûr. Ouais. Et qui a sur sa feuille des morceaux de Fruitella collés. Je trouve ça génial. Cette émission prend une tournure, mais fabuleuse. Et très professionnelle. Si d'autres radios nous écoutent, évidemment, on restera sur une radio locale, histoire de ne gêner personne en national. On coûtera moins cher. Oui, bah, c'est déjà zéro, donc on peut faire plus. Hein. Petite page de pub avant, si allez, vous voulez bien. Oui, merci. Et voici maintenant la publicité intelligente de Radio Falminioul. Cette diffusion nous aidera à payer l'électricité et bien sûr aussi le courant. Nous vivons une époque où le stress, l'anxiété, la dépression et le burn-out sont en progression. Afin de vous faire profiter d'un moment de relaxation profonde, musique. J'entre dans tes oreilles. Je grimpe dans ton cerveau. Je suis la mélodie. Je suis le rythme. Appelez-moi David Guetta. Je rentre en toi. Dévore-moi. Prends-moi. C'est pas normal. Je n'y crois pas, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. En stéréo, en stéréo, en stéréo, en stéréo. Vous savez, de nos jours, on entend de tout maintenant. Oh là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là. Vous savez, de nos jours, on entend de tout maintenant. C'est voulu, mon Dieu. C'est voulu, mon Dieu. Vendredi de 18h à 20h, le mercredi de 14h à 20h et le samedi de 10h à 15h, visible sur Facebook. Voilà, bah avec ça nous autres, on pourra tenir une semaine de plus. Bonne écoute de la suite du programme. Je crois que là on tient le hit de l'été. Ça c'était la pub alors, c'est ça. Ah, j'espère que ça arrive sur Spotify okay. Fort là. 2 minutes 42 de pub, on a battu un record. Formidable. Elle passe sur TF1. Oui, oui, oui, oui. Là, et dans toutes les bonnes librairies. Okay. Du miel pour les oreilles. Il faudrait qu'on sorte ce titre sur Spotify. Ah, mais il faut. Il faut. Je gambade dans tes oreilles. Il est énorme. Il est fou. Oh là là, on va lui trouver un nom, genre la Walter House. Il faudrait qu'on trouve un truc. Je sais pas comment, mais on va se démerder. Jadoul en podcast. C'est comme un pare-soleil à ventouse sur une belle voiture de luxe. Ça dénote. Et c'est une faute de goût. Mais ça nous fait bien marrer. Tout mercredi, Jadoul. Oh. Oh. Ok. Oh. Oh. D'où venait cette voix? Ben, c'était celui qu'on vient d'entendre dans la fausse pub. Ok. Si, c'est okay. Walter. Ouais, génial. Bon, bref, on va maintenant faire place à une innovation technologique qui a été annoncée en grande pompe par Apple. Moi, je croyais que c'était déjà sorti, mais en fait, non. Antoine, on parle de quoi? De l'Apple Vision Pro. C'est le futur casque qu'Apple va sortir très bientôt. Et Apple en a profité il y a quelques jours pour donner quelques détails supplémentaires. 17 ans, jour pour jour, après la présentation du premier iPhone. 17? Ça fait déjà 17 ans, l'iPhone a 17 ans cette année, effectivement. Blague. 17 ans. Et c'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour Apple. Le casque, il a été présenté l'année dernière. C'est le nouveau relais d'innovation d'Apple après la montre. Et l'Apple Vision Pro est présenté par Apple comme l'informatique spatiale. C'est donc un gros casque que vous allez vous mettre sur les yeux. Et vous allez avoir un nouveau système d'exploitation baptisé Vision OS. Le but, c'est de fondre vraiment le contenu numérique dans notre environnement avec une interface en trois dimensions contrôlée par la vue, les mains et la voix. Il y aura 1 million d'applications disponibles à la sortie du casque grâce à celles disponibles sur l'iPhone et sur l'iPad. Ils ont pas peur, hein. 1 million d'applications disponibles. Allez-y. En 3 mois. Tout avec les yeux. Alors que par exemple, la SNCB, juste pour faire un truc, il leur faut 12 ans. Donc, ouais. Oui, mais donc ça, ce sont les applications qui sont déjà disponibles sur l'iPhone et sur l'iPad pourront être exécutées sur le casque. Et puis, il y aura des applications adaptées déjà par les développeurs pour mieux interagir, voilà, avec le casque. 3 scénarios sont poussés par Apple. 3 scénarios dans lesquels le casque tire vraiment son épingle du jeu, une nouvelle façon de travailler. Vous pourrez éclater votre bureau dans votre espace de travail. On peut éclater son bureau. On peut éclater son bureau. Tiens, curer la console, Jadoul. Ah, mais ça a marché beaucoup moins bien maintenant. Ah, bah j'avais une console de 28, maintenant elle fait 16. Voilà. Une nouvelle façon de se divertir, regarder des films ou des séries sur Disney+, sur Netflix par exemple. On peut pas éclater Netflix aussi. Non, on peut pas tout éclater dans la vie. Et puis une nouvelle façon de jouer aussi. Hein ? Ah bah oui, il regarde avec des grands yeux parce que je me demande comment jouer. Ah, genre comme à la Wii. Oui. C'est oui, mais pourquoi reality virtuel, avec, en fait. Avec une manette, voilà, tu pourras jouer sur un énorme écran qui est en fait le casque. Énorme. Les oreilles, c'est énorme, voilà. Mais en fait, c'est une visière ou C'est comme un masque de plongée en fait. C'est un casque VR, donc ouais, c'est un casque. Voilà, okay, oui, comme l'Oculus, si vous vous souvenez de ce bon VR qui veut dire réalité virtuelle. Qualité virtuelle. Virtuelle. Si vous avez, si vous avez les derniers iPhone 15 Pro, vous pouvez filmer aussi des vidéos en 3D aussi, ça que vous pourrez exploiter avec ce nouveau casque. Ah, c'est pour ça qu'ils nous filment tout le temps. Maintenant, il fait un reportage sur notre vie. Voilà, tout à fait. Antoine, il filme tout et je pense que quand il sera vieux, il aura son casque. Ah, il sera bien. Et il sera dans ses souvenirs. Oh, ben, je me souviens quand j'avais fait cette émission qui était avec des gens rigolos, ils n'étaient pas très ergonomiques. Mais on peut-être pas parce qu'on va vite revenir sur le prix et je pense pas que je vais l'acheter ce casque. Mais bon, toi, tu vas le recevoir. Très rapidement, il y aura possibilité de faire des FaceTime sous forme d'avatar avec ce casque, des avatars numériques. Les précommandes démarrent vendredi de la semaine prochaine aux États-Unis uniquement, il vous en coûtera 3 500 $ pour le casque. Voilà pour obtenir. C'est le prix du billet. Ce billet premier modèle. Début de la commercialisation le 2 février. Si vous portez des lunettes comme moi, il vous en coûtera entre 100 et 150 dollars de plus. Et puis à noter quand même que le casque vous sera livré avec tout un tas d'accessoires, une batterie, 2 types de sangles et une chiffonnette qui normalement coûte 25 balles. Une chiffonnette. Voilà. J'ai vu à la FNAC, elle calait un rayon. Hein. Ah ouais, elle était sous le pied d'un rayon. Allez, 25 balles quoi. Mais tu vas pas le recevoir pour le tester ? Non. Mais déjà, il faut se taper les États-Unis pour aller l'acheter. Bah, sauf si tu le livres. Enfin, ouais, tu me dis. On t'arrange le coup. C'est aux États-Unis qu'il fallait chercher ça ? C'est aux États-Unis pour moi. Bah, attends, on appelle le boss de la radio qui est aux États-Unis en ce moment. On va voir c'est si pas faux peut, ça. On va voir s'il peut avoir ça chez monsieur Musk. Ah non, mais c'est pas Musk. Non, c'est monsieur Cook. Tim Cook. Ouais. Cook. Maintenant, il cuisine. Bon, on l'a aussi. Oui, bon, on verra. Allez, dans un instant. Merci Antoine pour. Avec plaisir. Vision Pro. Vision Pro. Yeah. Absolutely. Ah merde, le Voilà, il en perd sa table. Ouais. Ça casse tout son effet. Quand mais il a cassé mais en même côté temps, gauche. T'as pété ta table. Là, pas le côté droit. Ah oui, oui, c'est vrai, j'avais éclaté. Bravo. La table. Donc forcément. Là, elle est de nouveau entière. Ah oui, tiens, c'est marrant. Le personnel médical qui encadre les gens de cette émission vous informe que l'état des patients n'a pas évolué. Hey, les médecins démissionnent. Non, non, on veut pas. Ces fous sont libérés 2 heures en podcast. Ce n'est pas acceptable. Jadoul et son équipe. Les gens se jettent dessus. Tous les mercredis. Donc jusqu'ici, personne n'a su me dire pourquoi est-ce que les flamants roses ont un corps de crevette ou un truc comme oui, ça. Ils sont roses. Pourquoi est-ce qu'ils sont roses, les flamants roses ? Personne n'a une idée ici dans cette équipe. Non, c'est pas un truc par rapport au soleil, je sais pas, peut-être que... Antoine, allez, t'es l'intelligence de cette équipe. C'est pour la protéger. J'ai une idée, mais... Bah vas-y, donne ton idée, parce est-ce que c'est largué. Est-ce que c'est par rapport à leur alimentation ? Oui. Ah, vas-y, va jusqu'au bout, si tu l'as, vas-y. Je sais pas, justement, parce qu'ils se nourrissent de crevettes ? C'est ça. Exactement. Ah bah, vous voyez que ma crevette, elle était pas très très loin. Ouais, c'est pour ça quand il a dit comme les crevettes, je me suis dit mince, il a la réponse. Oui. Mais en fait, pas du tout. Non, mais ça, c'est toujours Kix. On a l'impression que, mais c'est toujours une illusion. Oh. Voilà. Les flamants roses tirent leur couleur de leur alimentation. En effet, ils se nourrissent principalement de petits organismes, donc des crevettes, des crustacés, qui contiennent des pigments caroténoïdes. En gros, c'est-à-dire des pigments rouge-orange et ça colore leur plumage. Et s'ils ne se nourrissaient pas d'alimentation avec ces pigments, bah, ils seraient blancs ou gris. Okay. Donc s'il mangeait de l'herbe, ce serait le flamant vert. Non, parce qu'il n'y a pas de pigment dans l'herbe. Enfin, je m'y suis jamais intéressée. Mais voilà. C'est vraiment dans les petits crustacés, etc., qu'ils mangent, dont notamment les crevettes, il y a vraiment ce petit pigment. T'es en train de me dire que tu sais pas me donner la composition du grason. Oh, bah, tu vois, si un pigeon par exemple mangeait les mêmes petites crevettes, peut-être que le pigeon aussi deviendrait rose. Je propose qu'on fasse une équipe, qu'on capture un pigeon, qu'on aille chercher les crevettes. Un peu cruel, ça. Que mangent les flamants roses à Paris d'Aïsa. On va voir la ligue des protections d'animaux comme nous. On peut faire ça. Alors, je rassure les associations, non. En revanche, je te vois dans tes yeux malicieux, tu fais pas ça avec mon chat. Mais Félicie, c'est pas un pigeon. Ah non, mais on sait jamais, tu vas lui faire bouffer n'importe quoi pour qu'elle change de couleur, on te connaît. Hein. Tiens ma petite crevette. Allez, tiens, goûte. C'est beau, hein. C'est beau, hein. T'as bien vu avec papy. Allez, merci Maëva. Et on peut saluer quand même Antoine qui avait la bonne réponse. Oui. Ouais, bravo Antoine. Bravo. Antoine. Ça me change parce que bah, d'habitude il n'y a que vous deux et vous deux vous n'avez jamais les réponses. Ouais, bah, avoir quelqu'un de culturé ça fait du bien. Vraiment, on essaye. Dans un instant, notre invité sera Clément Collin. Oh, bah c'est bien, on sait toujours pas qui c'est. Si son poing a cassé l'écran tactile du studio, ce n'est pas un excès de colère. C'est la faute de Kix. T'es con ! C'est le lancement du son ! Ah, d'accord, c'est ça que tu veux. Mais non, il fallait faire un geste. Hein. Partout en podcast. C'est Jadoul. Tous les mercredis. Ah, c'est fabuleux. Il est génial. On l'a jamais entendu aussi. Non, c'est nouveau. Ah oui, mais ça va bien. Très bien, très bien. D'habitude, je retiens pas quand on reprend des sons de l'émission pour mettre dans les jingles, mais là, je dois dire, c'est quand même très drôle. Les pépites. Merci, Kik, d'être qui tu es. Merci. Merci à moi. Bon, on verra si on peut faire un nouveau jingle. Monsieur Brut, ça vous grandit. À vous de faire l'interview brutale. Le principe est simple, vous vous prenez pour des journalistes du média Brut, média qui on a piqué l'interview. Et proprement. On garde les réponses et vous devez faire des questions... Plus drôles. Waouh. Merci, wow. Merci. Merci, merci. Tout le monde est prêt? Oui. Oui. Vas-y, j'ai le doigt sur le... Oh là là. Le son est prêt à se lancer, là j'ai la main qui tremble. D'ailleurs il va se lancer avant même que j'ai fait le lancement. Notre invité s'appelle Clément Collin, il gère le compte Monkey Création sur Instagram. Mais alors que fait-il dans la vie? Je me suis créé mon propre statut d'artisan, designer, écologue. Chouette. Et pourquoi ne pas être devenu inventeur tout simplement? Depuis tout petit je voulais être inventeur, mais ça n'existait pas comme métier. Ah. Parce que artisan, designer, écologue, oui. Non mais parce que je comprends pas. Là ici, il a ramené un ananas. Qu'est-ce qu'on peut créer sur base de ça? On va passer d'une peau d'ananas fraîchement récupérée à une peau d'ananas utilisable en maroquinerie, en bijouterie, en luminaire, en design. Ah, ouais. Trop bien. Tout le monde a compris. Ouais. Et en termes de création, tu fais quoi, Clément? Premier prototype de lampe. On peut voir ici du pomelo. Là, du pomelo teint au jus de cassis. Là, du citron teint avec la teinture Ecoflow. Là, du melon canari vert, nature. J'ai pas tout compris. Mais ça a l'air très sympa. Merci beaucoup, Clément. On va continuer, on va commencer surtout l'interview. On est parti. Allez. Il valait la peine, ce son. Ah, remets-le. On est parti. Ah. Mais il a beaucoup d'entrain, Clément. Ah oui, oui. Ouais. Oh, bah, attends, un gars qui dit... On est parti. J'ai l'impression que... Allons-y, let's go. Il faudrait imaginer le logo derrière de Brut. On est parti. Et là, vraiment, on est au sommet de l'entrain. Allez, on y va. Qui se sent le moins drôle sur cette manche? Ça va. Oh là là, il y a personne. Tout le monde regarde le sol. Non, mais c'est parce qu'hors antenne, on nous a dit des trucs par rapport à cette séquence. Oui. Du coup, on essaie d'être. C'est-à-dire plus que drôle. La semaine dernière, vous étiez tellement mauvais qu'on a hésité à faire revenir cette séquence dans l'émission. Directement. Et on s'est dit, on va laisser une dernière chance à cette séquence. Oh, ça va. Hein. Bah, on verra. Les auditeurs, ils aiment bien. Maëvan, commence par toi. Oh. Bam. À quelle fréquence je vais à la salle de sport? Au moins deux fois par an. Waouh, mais ça, c'est bien. Voilà. Moi, j'applaudis, il faut que la séquence elle reste. Bravo, Maëva. Et en plus, c'est vrai. Mais c'est très marrant. Là, je valide. Kix. Jean-Marie Bigard est drôle. Au moins deux fois par an. Non, il est trop drôle, Jean-Marie Bigard. Oh. Mais pour ceux qui n'aiment pas Jean-Marie Bigard, ça passe. Bah, j'aime bien Jean-Marie Bigard. Antoine. Ça t'arrive de te prendre des prunes? Au moins deux fois par an. Oh, bah, ça va encore, ça. C'est pas... Oui, c'est vrai, tout ça. Bon, non. Ça passe pour cette première manche. Attention, monsieur, ça va redémarrer. Deuxième manche. Antoine. Ça te dirait un petit tour au sauna? On en a réellement besoin en ce moment. Ah oui, il fait tellement froid, c'est vrai. Pas mal la température. Maëva. McDo sera un nouveau burger. On en a réellement besoin en ce moment. Oui, après les bonnes résolutions, je pense pas que c'est la bonne idée. Je vais y aller tout de suite. Voyant mon compte dégringoler durant les fêtes, mon banquier m'a offert un verre en me disant... On en a réellement besoin en ce moment. Elle est tellement... Voilà. Allez, refais-la pour le podcast, on va couper la mauvaise. Voyant mon compte dégringoler durant les fêtes, mon banquier m'a offert un verre en me disant... On en a réellement besoin en ce moment. Elle est longue la phrase. Tu t'es fait brutaliser, c'est normal, c'est le concept de l'interview brutale. Antoine, on fait la dernière manche. J'aime beaucoup les pommes, vous en avez quelques-unes en stock ? On en a quelques-unes. Non, on n'arrête pas la séquence. Oh, mais c'est fini. Non, mais t'oses jamais brutaliser Antoine. Vas-y, Maëva, à toi. Aïe. Ouais, à un moment, forcément, ça fait mal. Antoine. Ben les pommes. Apple. Mais c'est quoi cette... Ah. Oui, oh là là, il nous a fallu tant de temps. Purée. Ouais, là. Quitte ce studio. Il est parti. Antoine est parti. Oh, mais c'est trop fin pour nous, ça, Antoine. Oui, mais faut être drôle. Pas maintenant qu'on a poétique. Compris le sous-entendu, on va le refaire pour le podcast. Antoine, vas-y, troisième manche. J'aime beaucoup les pommes, comme Apple. Vous en avez quelques-unes en stock ? On en a quelques-unes. Pardon. Il est furax. Non. Il m'a tasé. Bon. Je peux faire un tasse aussi si tu veux. Ça part déjà au cacahuète, on vient peut-être de commencer l'émission. On veut garder la séquence. Allez, moi j'en ai une bonne, elle doit être drôle. Vas-y, allez. Maëva. Je lance le son pour toi. Tu lances le son ? Moi je le fais, vas-y. Allez, des bonnes musiques sur KIF. On en a quelques-unes. Ah, mais ça c'est drôle ! Ça c'est bien, bravo, t'as tout gagné. Bon, merci. Il y a Kix aussi. Ouais. Oh non, mais non. Mais il faut qu'on finisse haut. Si on finit la séquence sur un flop, les gens ne restent pas à la radio. Ok, on change. Vous comprenez séquence. Ce problème ? Nous les hommes, des chaussettes trouées. Ah, tu veux que je lance ? Nous les hommes, des chaussettes trouées. On en a quelques-unes. Écoutez ma belle voix. Suave et envoûtante. Profitez-en, parce que Jadoul est de retour, et croyez-moi, lui, c'est tout l'inverse. Oh, mais ça va, oh. Jadoul et son équipe, tous les mercredis. On trouve ça marrant. Okay, le hockey boomer démarre. Pour ne pas passer pour un tocard, ou pour le dernier au courant de l'actualité, Maëva est là pour tout vous résumer. Elle est comme votre best friend qui vient vous dire « Écoute, ça, t'as pas, mais je te le donne. » C'est un peu ça, oui, c'est un petit peu ça. Et du coup, là, j'ai été la best friends aussi de moi parce que j'ai vu parler du CES à Las Vegas et j'ai rien compris. Je voyais ça de partout, en fait. C'était avec des super innovations du futur. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais il y a une private joke ou quoi, là ? Le CES de... Le CES. CES. C'est pas ça, Antoine ? Et pourquoi t'as rigolé comme ça ? Non, mais c'est le comment tu présentais le truc en disant je comprenais rien du tout. Bah, oui, ah oui, bah non, elle est honnête. C'est je pour suis ça la seule personne aussi. Qui fait des chroniques tech mais qui n'y connaît rien en tech. Et en fait, je me rends service à moi chaque semaine parce que je découvre des trucs de malade, c'est génial. Oui, comme nous, on est sur une radio urbaine alors qu'on connaît rien en musique urbaine. Dans un instant, on le Boogie with the Woodie. Qu'est-ce que c'est que ça ? On sait pas, Gazo. C'est quoi ? C'est une eau gazeuse ? On sait pas. Si on fait la radio pirate, on s'en fout. Mais on les présente. Nous, on a pris un émetteur en otage, c'est tombé sur KIF. Bon, voilà, ça c'est le hasard qui fait que. On s'excuse, mais voilà. On a Maëva, elle avait des bagnoles dans une autre vie, maintenant elle fait des chroniques. Elle vient découvrir l'info actuellement. Pourquoi il y a 30 secondes, bah voilà. Mais voilà, donc du coup, je. Kix était sourd-muet. Ouais. Mais il est toujours. Et il est toujours. Bref, et donc du coup, je voyais un peu. Mais je rends service aux gens parce qu'il y a peut-être d'autres personnes comme moi qui scrollent sur TikTok. Donc, qu'est-ce que c'est le CES ? Voilà, c'est le Consumer Electronics Show. Donc, en gros, c'est une des expositions annuelles de l'industrie électronique les plus importantes qui se passe à Las Vegas. C'est ouvert au grand public. Et donc du coup, en gros, c'est un grand salon de l'électronique où il y a des entreprises, des fabricants qui présentent leurs dernières innovations, produits et concepts futuristes. Donc en gros, qu'est-ce qu'on y retrouve, hein? C'est des trucs par rapport à l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les véhicules autonomes, les appareils connectés, l'électronique grand public. Et en ce moment, ben voilà, ça a commencé hier. Et ben, on voit un peu défiler partout les inventions qui font le plus parler d'elles. Par exemple, on a les serrures connectées du futur qui se... Ah, je veux ça. Ça s'ouvrira avec la paume ou le visage. Ouais. Plus besoin de chercher ses clés, eux l'auront. Il y a par exemple aussi les écrans transparents qui sont proposés par Samsung. Ah, j'ai vu la vidéo passer ce matin. Ben oui, tu vois que je... voilà. Mais tout vient de là. Mais oui, et tu sais, eh ben voilà. Donc t'es plus un boomer et c'est grâce à moi. Waouh. Eh ben tu sais quoi, merci beaucoup Maëva. Oui. Pardon. C'était quoi ça? On aurait dit une vieille poule. Ben, j'ai poussé sur le son. Et à la place de ça, j'ai eu quoi? Bon, on dirait que ça a mis un effet sur la table. A fait un AVC, écoute. Bon. Maëva? Oui. Ah oui, bah. Ah oui, j'ai activé l'effet à la place de. Oui, d'accord. Bon, merci. J'ai encore d'autres inventions du futur. Vas-y, moi j'adore. Le problème avec ce genre de produit, c'est que c'est génial, etc. Ça passe au salon, mais le jour où on l'aura chez nous, enfin, c'est. Je suis sûr que ça. Il y a un décalage de 5 ans, je pense. Même plus. Là, on a un miroir pour votre santé mentale. Donc, en gros, c'est un traitement du langage naturel qui analyse tes sentiments quand tu te regardes dans le miroir et qui t'aide à aller mieux, des trucs ainsi. Donc, il y avait les serrures palmaires, hein, ça, je l'avais dit. Il y a les futurs PC dotés d'intelligence artificielle, donc c'était les Spectre chez HP qui devraient avoir ça. Okay. Mais voilà, le jour où on aura un écran transparent Samsung, c'est pas... Bah ça m'arrangerait, parce que si on avait des écrans transparents dans ce studio, je pourrais voir vos têtes. Hein. Ah oui, mais il faudrait encore faire la poussière et tout. Oh là là. Ah oui, ça va être ennuyant. Hein. Déjà que toi... Tu sais, quand c'est un écran comme ça, là, tu vois rien, tu peux tout cacher derrière l'écran, mais s'il est transparent... Tu caches du bordel derrière tes écrans, toi? Bah quand il n'y a plus de place, il faut bien. Oh là là. Même t'as tous les câbles et compagnie. Ouais, les câbles et tout. T'en fais quoi des câbles? Ah ouais. Elle a pas ça, Maëva. Ah bah bravo. Allez, écoute, pour l'année prochaine, tu me payes le pass du CES Las Vegas. Bah, on téléphone au boss. Il est en ce moment en Amérique. Je pense que c'est pour ça qu'il y va. Bah non, il est à New York. Bah c'est vite fait, l'avion, hein. Bon, une fois qu'on est de l'autre côté. Ok. Bref, ça me rappelle quand même ce salon que j'ai été visiter en septembre, je crois, c'était l'IBC à Amsterdam. Mm-hmm. Et ben ça aussi, c'est un truc, ben alors c'était plus axé média, avec toutes les technologies radio, télé, digital, tout ce qu'il faut. Et c'était incroyable parce que là, ils faisaient la radio de manière très très fluide, sans aucun plantage. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y avait des effets qui partaient sur les voix. Ok. C'était pro, ben quoi. Je vais pas te cliquer. Ok. Ah, tu vois, c'était ça la différence entre eux et nous. Voilà. C'est fou les salons comme ça. Oui, et si on peut encore citer deux autres salons dans le même style, il y a le Mobile World Congress à Barcelone, le MWC et l'IFA à Berlin, qui était le salon historique de la radio, qui est devenu aussi électronique grand public au fur et à mesure des années. Ah ouais, et il y en a un autre peut-être, IFA PME. Ah oui, c'est bien, hey, ça, c'est ça. Je connais bien ça. Merci de nous avoir choisi. Merci Maëva. Avec plaisir. On retient le UBS, le quoi? Le CES à Las Vegas, salon électronique le plus grand au monde, ouvert au grand public. Et d'où il y a les trucs futuristes en ce moment qui passent sur TikTok, ça vient. Demain, à la machine à café, vous ressortez d'où il y a les trucs futuristes. Mais oui. Genre, on vous dit, ah, t'as vu, c'est quoi ces histoires d'écran transparent? Ah, mais c'est Samsung qui a sorti ça avec LG à la CES de Las Vegas. Bim. Ça, et c'est un truc à ressortir. Tu brilles en tac, société. Là, ça, c'est génial. Tu brilles. Attention, selon la science et quelques prédictions savantes, maintenant, Kix risque de faire une séquence en français et sans bafouiller. Non, je déconne. En podcast. C'est Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Allez, c'est parti, on démarre le FaceTime. Tout le monde a son buzzer. Tout le monde a son buzzer. Oui, j'ai mon buzzer. Antoine. Hop. Antoine. Voilà, et Maëva, teste-le. Merci. Parfait. Bon, on est bon, on peut démarrer là, ça y est, tu me. Ouais, vas-y. Ouais. Vous allez jouer en trois manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de trois indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre, une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces trois sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du FaceTime, à table FaceTime. On commence tout de suite avec la première personnalité. Donc n'oubliez pas, je vais vous mettre trois sons ici à écouter. Et vous allez devoir retrouver qui est cette personne. Là jusqu'ici le jingle l'a dit. Oui, mais on sait jamais. Pour être sûr que tout le monde l'ait bien compris. Attention, premier indice, première personnalité. Je suis un grand fan de votre émission déjà, je veux vous le dire. C'est vrai. Oui. Toujours, déjà, je dirais Gad Elmaleh. Oui, mais c'est pas la réponse. Oh, ah, ouf. Merci, ah oui. Jadoul, parce que j'allais faire la même. Ah, bah voilà, tu vois. Bon, c'est pas grave. Et en plus, l'élément marquant était même pas encore passé. Mais enfin, bref. Deuxième indice. Oh. NTM 93, les rebelles. Ah, oui. Jadoul là, mais oui, c'est trop tard. Bah oui, je l'ai, c'est trop tard, moi. Là. Vous attendez le dernier indice? Oui. Bah, oui, qu'à faire. Dernier indice, attention. Avant de rapper, je faisais des tags et je dis il faut que la capitale soit moins sacrée parce que c'est que de la couleur. Allez, je vous fais des mimes. Bon, est-ce que si... Attends, je sais même plus ce que j'ai mis en bonus, mais je vais quand même le mettre pour vous. Avec ma gueule de mes têtes, ouais, c'est la réponse, quoi. Bah, oui. C'est qui chante ça? Je sais pas. Allez, il met des claques. Je vous aide un petit peu. Je l'ai sur c'est la les voisins qu'on frappait pour qu'on arrête cette musique. Parce que je l'ai sur la langue, je ne veux pas sortir. Je vous dis juste, Star. Joystar. Bonne réponse. Bon, mais tu peux pas. Je peux pas. Tu peux pas. On a la bourre, donc on va pas chercher Milan. Ok. Voilà. Bon, deuxième personnalité. Attention. Premier indice. Ok. C'est un Belge. C'est ça que ça veut dire. Non, c'est pas un Belge. Si. C'est la vanne. Oh. Donc il y a eu la Marseillaise. Voilà. C'est un seul son, ça. Hein. Moonlight. Faut savoir, hein. C'est une petite compile entre deux sons. Ah, ça, c'était qu'un seul indice. Voilà, c'est un seul indice, ça. Ouais, c'est un seul indice. Une compile par tes soins ou. Bah oui. Oui, bah, je fais un truc à la juste deux sons bout à bout. Il hein, n'y a rien de farfelu. Bon, pas d'idée pour l'instant, vous non, avez retenu les indices. Attention, deuxième indice de la deuxième personnalité. Vas-y. J'ai oublié mes clés, ouais. Tiens. Ma chérie, je file. Ils vont me re. Et après, je vais manquer d'oxygène, donc vraiment, je file. Oui. Pierre Ninet. Mais non, c'est pas ça la réponse. Bon. Mais on est. Dernier indice. C'est pas Pierre Ninet. Vous pouvez jouer, mais c'est pas la mais réponse. J'ai grillé mon buzzer, putain. Mais oui, mais allez. Cette semaine. Dernier indice. Ah, il est pas facile. Dernier indice. Mais si, c'est très simple, vous allez voir. Est-ce que ça sent bon dans l'ISS? Non. Est-ce que t'es déjà tombé malade dans l'espace? Non. Et l'astrologie, est-ce que tu y crois? Bon, qui Mais non, j'ai déjà buzzé, moi. Ah, il a voulu faire Antoine. Oui. Le gars qui est allé sur la Lune, qui est français. Oui, c'est la bonne réponse. Allez, attends, je l'ai vite. Oui, allez. Oh, je l'ai pas. Thomas Pesquet. Ouais, bonne réponse. Bonne réponse de Maëva. Donc ça fait un point pour Maëva. Bravo, Maëva. On passe à la troisième personnalité, comme ça on avance. Oui, premier indice. Attention. Oui. Pauline. Quoi? Allô, Le Monde. Oui, Allô, Le Monde, allô, Pauline. Le Monde. C'est pas ça, Romain. Le début c'est est pareil. Mais c'est absolument pas ça. C'est même pas en français. Oh, l'hallucination. C'est une hallucination auditive de fou. Mais non, il y a que toi qui as entendu ça. Non, je sais pas. Non. Enfin, non, bon. Allez. Merci. Allez, deuxième indice de la troisième personnalité. J'ai grillé mon buzzer, fais chier. Ouais, oublie pas, il faut trouver zéro, qui c'est. Quoi. Je suis un tocard. Vraiment. Deuxième indice. À partir d'aujourd'hui, la tutelle cesse immédiatement. Antoine. Britney Spears. C'est une bonne réponse, bien joué. Tu veux pas? Ce soir, c'est Jadoul qui pilote. Mais pas au niveau des points. On est sur une égalité? Oui. Ça fait bien chier, ça. Ça fait bien chier. Parce qu'il est 21h03. Bon, c'est pas grave, on va faire une manche bonus. Oui, une manche bonus, vous êtes prêts? Allez, let's go. Parti, on y va. Premier indice. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace, protection universelle. Merde. Mon vaisseau s'est écrasé. Oui. Richard Darbois. Voilà. Mais oui, mais alors le but c'était entre nous deux. Oh merde. En douille. Parce que c'était nous à 1. Et que là, pardon, on est à 1-1-1. On va dire que tout le monde a gagné ce soir. Oui, voilà, on va terminer sur une fin comme ça. Ce sera mieux, sinon on va rester comme ça jusqu'à. Parce qu'en fait, le but dans la vie, c'est de s'amuser et non pas de gagner. La vie est une tartine de kiff, ne l'oublions pas. On est à court de bonus là? La vie est une tartine de kiff. Non, mais. Elle est où la musique? C'était quoi la musique? Ouais! Ouais. Wouhou! J'en elle était parfaite. Merci beaucoup. Mais oui, parce que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ah, c'est beau ça. C'est beau. Est-ce qu'on peut révéler quand même aux auditeurs que là, vous faites tous les faux culs et les solidaires juste parce que Kix n'a pas fait son taf jusqu'au bout et n'a qu'un bonus en stock. Mais alors, je suis pas Kix. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace, voilà. Protection universelle. Mon vaisseau s'est écrasé ici par erreur. Voilà, alors, hein, vous avez de la chance d'être drôle. C'était quoi le troisième indice sur Richard? Sur un jive, Ragan Bell City et sa partenaire, Denitsa. Voilà, et le deuxième indice aussi. 58e porte condamnée cette semaine, monsieur. Oh, les enfants de nos jours. Voilà, et puis le dernier. Bonjour, je suis Richard Darbois. Voilà. Putain, j'ai eu peur que tu me mettes le jingle d'une radio concurrente. Non, quand même pas. Moi, franchement, si je devais représenter Richard, ce serait avec cette musique. La musique me prend parfois. Je ne sais pas pourquoi. Énorme titre. C'est Roger Murtock, ça. Ça, c'est Bibi. Oui, je l'embrasse. Un mec bourré de talent, que j'admire énormément. Voilà, voilà. Merci. C'est sur Kayev, ça? Non, c'est pas sur Kayev, non. C'est la trappe. Après 45 minutes de générique, on peut démarrer la deuxième heure de cette émission avec plein de belles surprises, notamment Radio Falminioul qui est en totale roue libre cette semaine. Parce qu'il y a des semaines où pas du tout. Enfin, ils ont doublé leur temps d'antenne. Oh non, arrête. Oh. C'est-à-dire combien de temps là? Ah bah là, c'est-à-dire que je pense qu'on est sur 6 minutes. Oh là là. Mais si jamais l'un des patrons écoute cette radio, on est sur 2 minutes 50 de séquence. Bah oui, évidemment. Évidemment. Évidemment. C'est juste le ressenti qui fait que... Oui, voilà, c'est comme la température. Bon, à un moment, voilà. Ou les manifestants dans une... Enfin, ouais. Ouais, ouais. Dans un instant, il y aura aussi la mise à jour, Maëva. Oui, je vais parler de la constitution du robot par Google. Pourquoi? Oh. Bah rien, j'ai cru qu'elle allait dire autre chose, j'ai eu peur. Voilà, Mais du coup, la constitution, c'est très très la bon. La constitution du robot, ouais, voilà. La constitution. Oui, oui, bah oui, il y a une constitution pour nous, les humains, et la constitution du robot, oui, maintenant. Papa dans maman. Mais non. Allez, enchaînons. Je croyais que c'était la conception. Constitution, ouais. Document de loi, Jadoul. Oh. Ah oui, mais ça va, moi, j'avais pas compris. J'avais pas compris. On touche le droit à des erreurs. Voilà, Kix aussi, il était sur le bord de la route. Ouais, moi, j'y suis toujours. Là, c'est bon, on n'est plus sur l'aire d'autoroute. Là, chut, là, ouais. La voiture, elle roule à toute vitesse. Maintenant, on trace. Ouais, hop là, directement, un flop, c'est parti. Oh. La vie ne fait pas de cadeaux. En parlant d'un flop, voici la première, justement. À Montpellier, un individu a fait tomber son téléphone dans une poubelle. Il a dû plonger dedans pour le récupérer. Sauf que sa tête est restée coincée. Oh. Aïe, aïe, aïe. Heureusement, il a réussi à attraper son téléphone au fond et à contacter les pompiers. Dans la poubelle. Pour rappel, il a toujours la tête dans la poubelle, hein, au moment où il appelle les pompiers. Ok. Mais au bout de 12 minutes, il a été libéré. Ah. Je pense sincèrement que tous les passants qui ont vu cet individu, enfin plutôt les jambes et les fesses de cet individu qui dépassait, ont dû se dire: j'appuie, ça va pas. Là, c'est pas moi. Hey, vous êtes témoin, regarde. J'appuie, ça va pas. J'avoue. Ouais, effectivement. Regarde. Non, c'est moi ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il appuyait pas sur le bon bouton, mais c'est après de mais quoi si. Non, t'appuies. Là, je le vois d'ici, t'appuies sur la vie ne fait pas de cadeau, Jacques Brel. Oui, mais je crois que c'était ce son-là qui non, devait. Non, c'est va chez ta mère qui devait sortir. Ah non, c'est vrai. Non. Bah, bien sûr que j'ai raison. C'est toi qui as fait des bêtises. Branche. Technicien, j'ai des branchements en live, vas-y, réessaye. Attends. Voilà. Voilà, suivant. Eh ben, tu sais quoi? Nous, on va refaire la chute. Imaginez, je pense sincèrement à tous les passants qui ont vu cet individu, enfin plutôt les jambes et les fesses, hein, parce que moi, je me serais fait le plaisir, je leur ai tiré son pantalon parce qu'il peut pas répondre. Hein. Ça aussi, c'est un truc à faire. Les gens ont dû se dire: merci, bah voilà. Magnifique. Qu'elle coupait au bon moment, mais franchement, je suis sûr qu'au bout de 12 saisons, on y arrivera. On y arrivera. On est à ça. Mais tout est bien, tout est prêt, go. Allez, on la refait. C'est parti. Chaque nuit, un photographe constate avec surprise que son atelier est mystérieusement rangé. Intrigué par ces changements survenant sur son établi, ce passionné de photographie résidant au Royaume-Uni a décidé de placer une caméra dans son atelier. Les images ont capturé qu'une souris était appliquée à ranger mystérieusement les objets de ce monsieur. On a réussi à avoir un témoignage de la souris qui dit ne plus pouvoir supporter le bazar que met ce photographe. Et la souris est en burn-out avec tout ce rangement à faire chaque jour. Alors, elle a d'ailleurs un petit message pour lui. Va, va, va chez ta mère. Pas mal. Troisième et dernière info, ça va? Si on veut couper avec quelque chose, c'est le moment. Hein. Voilà, oui, parce que... Oh, bah, il n'y a plus de courant. Oh, oui. Mais vous êtes fous. On y va, troisième info. En retirant les décorations de son sapin de Noël, Violette, hein, une jeune Britannique, a été effrayée, constatant la présence de dizaines de petites araignées entre les branches. Mmh. Oui, c'est normal, ça reste un sapin, c'est la nature. Quelle horreur. Oui, bon, enfin, je veux pas les avoir chez moi. Hein. Bon, Violette, tu sais ce qu'il te reste à faire? Ben oui, il faut brûler la maison, Violette. Hein. La vie ne fait pas de cadeaux. Casting pour remplacer Jadoul. Allez-y. Jadoul vous dit bonsoir. Le son ne va pas assez fort. Oh, c'est pas terrible. Suivant. Faire du Jadoul, c'est comme faire un bon gâteau. Non, ça ne le fera pas non plus. Désolé. Suivant. Tous les mercredis, Jadoul et sa belle fanfare pour le plaisir des oreilles. Bon, ben, tant pis, on va devoir garder l'original. Jadoul et son équipe. En podcast, tous les mercredis. Et tous les mercredis, on retrouve Maëva. Oui, parce qu'il est 21h26, l'heure d'écouter les deux septuagénaires les plus sexy de l'antenne, l'heure d'écouter Radio Falminioul. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils ont fait leur première libre antenne. Chers auditeurs de la 97.8, vous écoutez Radio Falminioul. La seule radio de la région à vous proposer une toute nouvelle émission de Libre Antenne. Guy et moi-même, nous vous disons bonsoir. Durant notre programme, vous pouvez intervenir à tout moment sur nos antennes au 0910-257. Vu que nous sommes en libre antenne, René, on peut faire ce qu'on veut. Oui, c'est le principe d'une libre antenne, Guy. C'est inspiré des grosses stations des Américains. Super. Je vais te jouer un peu de flûte. Vas-y, mon Guy, nous t'écoutons. Oh, c'est chouette, ce petit air. Merci, vraiment. Tu as beaucoup de talent. Attends, je t'accompagne avec mon harmonica. Nous avons un auditeur qui nous appelle. Bouge pas, mon vieux, je décroche. Oui, allô? Ici René de Radio Falminioul, nous vous écoutons. Oui, je suis le voisin d'en face. Il y en a marre de tout votre boucan. Si vous continuez avec vos instruments débiles, je vais vous les enfoncer bien profond dans votre... Désolé, monsieur, nous ne sommes pas intéressés. Oui, nous avons assez de place dans les armoires du studio. Qu'est-ce qu'il voulait, l'auditeur, René? Oh, rien, c'est encore le voisin qui voulait nous aider à ranger nos instruments. Et pas dans l'armoire. D'ailleurs, on va les ranger avant qu'ils nous rappellent. Dis, René, si tu racontais aux auditeurs le film que t'as été voir hier soir... Ah oui, bonne idée, ça, Guy. Hier soir, je me suis motivé d'aller voir un film pour la première fois. Depuis plus de 30 ans, j'étais pas allé au cinéma. Je suis allé ici, en bas de la rue, tu sais, chez Roberti Projection. J'ai pris mon ticket avant d'accéder à la salle de visionnage. On m'a tendu une gamelle d'avoine. Comme un animal. Non, c'est du... Popcorn! Oui, c'était écrit popcorn dessus, t'as raison. Oh, je l'ai gardé pour donner aux animaux de la cour en rentrant. Bref, je me suis installé dans la salle du cinémascope. Et là, je tombe sur quoi? Un film en couleur! Mais ce n'est pas au point encore, la Technicolor au cinématographe. Les différentes couches étaient toutes décalées. J'avais l'impression de voir bleu et rouge uniquement. J'ai pas du tout aimé. Qu'est-ce que ça faisait mal aux yeux? Quelle horreur! Et les autres clients, elles ont aimé? Mais je pense qu'ils n'ont aucun avis sur la bande qu'ils ont regardée sur cette toile. Car durant la projection, j'avais l'impression que tous ces gens étaient sortis d'un autocar de l'opticien. Ils avaient tous des lunettes de vue rouges et bleues. Et c'est là que j'ai compris ma bêtise. J'étais tombé dans un cinéma pour daltonien. Il n'y a qu'à toi que ça peut arriver, ça, René, hein? Bonjour, c'est Roberte. Vous vous souvenez? La gérante du cinéma. Le film que vous avez été voir, ce n'est pas un film pour le daltonien, hein. C'est un film en 3D avec les lunettes. Je vous écoute, hein, depuis les guichets. Je n'étais pas dans la salle 3D, j'étais dans la salle 2B. Non, mais les gens, maintenant... Elle joue sur les mots, la dame. Ou alors, elle a raison. Et la 3D, c'est pour les daltoniens de 3e division. C'est ma faute, j'aurais dû regarder quelle séance s'adressait à moi. J'ai 10-10 aux deux yeux malgré mon âge. Oh, elle est pas aimable, cette dame. Aimable? Vous rigolez, après votre passage, on a dû nettoyer le ciel. Mais c'est ça, et ta sœur, je lui tire les couettes et je lui fous ma main aux fesses à cette morue. Tu vas voir de quel bois je me chauffe quand je t'aurai balancé des bûches à la gueule. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu lui as mal parlé à la madame. Oui, c'est normal, la vulgarité, tout ça, l'agressivité. J'ai lu ça dans un article, c'est ça la radio libre. Dans le journal? Oui, oui, j'ai lu ça parce qu'une radio s'est vue infliger une grosse amende suite à quelques propos à l'antenne. Ah? On vendra ta collection de CD rouillés, Guy, pour payer l'amende si ça nous arrive. Oh, nous recevons un fax, sûrement un auditeur, je le lis. Votre consommation d'électricité pour cette période écoulée a été exceptionnellement élevée. Votre compteur de consommation culmine au-dessus de la moyenne nationale et n'a toujours pas été payé. Si vous ne rationalisez pas votre consommation en énergie, nous risquons des blackouts sur l'ensemble du village. Votre facture est en souffrance et la cabine à haute tension qui vous a été dédiée n'arrive plus à suivre. En attendant l'enquête et le règlement de la consommation, nous déconnectons du réseau électrique. Ah! C'est marrant! En mode libre antenne, les auditeurs ont même accès à notre compteur électrique! On se marre bien, hein? Ah, ça, Guy, ce n'était pas un auditeur, c'est bien réel. C'est la société d'électricité. Électrocher. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. À bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. L'actu connecté. Et les dernières tendances, c'est avec Jadoul. En podcast. Internet. Oui. Ah, c'est toi. Pardon, je t'avais pas reconnu. Il est temps de faire la mise à jour. Robot, petit robot. Oui, intelligence artificielle aussi, SPAC. Enfin, oui, les robots aussi. Oui, bah oui, forcément. La constitution robot de Google. Je vous réveille, wow. Madame. Non, bon, tu peux. Un petit peu. J'étais près du chauffage. Et je me suis laissé assoupir. C'est ça. Ou leur choupière. Mais voilà. Non, mais du coup, là. Du coup, elle est à la fraîche. Mais non, j'adore. Pas du tout. J'ai jamais fumé. Comment comme tu ça. Vas répondre à ça? Enfin, wow, voilà. Wow. D'habitude, tu me lances en disant waouh, elle va vous éclairer, elle est là. Et tu vois, moi, je... Ok, oh. Pardon. Non, mais c'est je n'ai qu'un pays, celui de ton corps. Je n'ai qu'un péché, ton triangle d'or. Ce soir, en exclusivité pour toute la Belgique qui nous écoute ce soir. C'est Maëva pour sa belle séquence. On arrête. Donc Google a créé une constitution du robot. Ça sert à empêcher les machines de faire du mal aux humains. Concrètement, c'est ça. Oui, oui, oui, vraiment. Alors, selon Google, l'objectif, c'est de permettre aux machines de prendre des décisions adaptées et sûres grâce à une meilleure compréhension de leur environnement. Donc, c'est la division dédiée à l'intelligence artificielle de Google, qui s'appelle Google DeepMind, qui s'est chargée de mettre en place cette constitution. Et pour ça, ils ont créé AutoRT. C'est un nouveau système, en fait, qui collecte les données et qui sert à mieux former les robots dotés d'intelligence artificielle. Donc, en gros, c'est censé leur permettre de mieux comprendre leur environnement et, en fonction de celui-ci, de prendre des décisions plus rapides, plus efficaces. Et surtout plus sûr. Par exemple, aller chercher un café sans renverser un individu sur leur passage. Par exemple. C'est une belle idée, c'est quand même ça, mieux. Ouais. Un peu c'est extrême. Quand même mieux. Alors pour cette constitution, ils se sont aussi inspirés de trois lois de robotique qui ont été formulées par l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov. Bravo ! Alors ces trois lois, c'est la première, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni restant passif, permettant qu'un être humain soit exposé au danger. Il doit obéir aux ordres donnés par un être humain. Et troisième loi, il doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec celle de l'humain. Au secours ! Mais c'est quand même marrant tout ça. Enfin, c'est super important que enfin, mais on est dans un film, on est dans Iron Man avec Will Smith. Ça va très vite arriver. C'est-à-dire que nous, on fait les cons là avec. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Ouais. Il donne déjà pas mal de choses. Les résultats sont incroyables. De choses, ouais. Mais vous vous rendez compte du son qu'on a diffusé en début d'émission? Oui. La musique, si je vous la mets là, ben non, je peux pas. Mais je vous mets juste le début. Nous vivons une époque où le stress, l'anxiété, la dépression et le burn-out. Ça, c'est la vraie voix. Afin de vous faire profiter d'un moment de relaxation profonde. Musique. Et ça, c'est de l'intelligence artificielle. Qui a repris la voix officielle de la personne. Dans tes oreilles. Mais c'est que du faux, ça. Oui, d'accord, mais alors. Je vois où tu veux en venir. Tu veux plus parler d'une loi par rapport aux droits? Mais pas que les droits, il faut encadrer tout ça. Ça veut dire que, imagine, je récupère un échantillon de ta voix parce que tu fais de la radio, donc j'ai accès à ta voix en illimité. Oui, mais non. Je prends ta voix et je téléphone à la banque. Oui, c'est vrai. Et je te fais dire des trucs pour récupérer tes infos. Je suis à fond d'accord avec toi, mais la constitution robot là que Google met en place, c'est pas ça. Ah, je suis à côté de la plaque? Oui. Oui. Oh, j'adore. Ok, pardon. Toi, tu parles de droits d'auteur, etc. Mais c'est pour te protéger toi, c'est en tant qu'humain. Mais non, là, c'est pour nous protéger, nous, des robots. En gros, c'est-à-dire que, parce qu'on va de plus en plus loin avec des voitures qui peuvent rouler, par exemple, toutes seules et tout ça. Et vu qu'on leur donne des libertés. Des voitures qui roulent toutes seules. Mais c'est vrai. Ça, c'est toi, l'état d'ébriété. Vu qu'on leur donne plus de liberté, qu'il y a vraiment des robots qui peuvent se déplacer et tout ça, on leur permet de prendre des choix pour faciliter notre vie. Mais il faut aussi leur donner des limites. Et donc, pour ça, il y a cette constitution. C'est censé leur dire, par exemple, comme je disais, c'est un exemple donné par Google, hein, aller chercher un café sans renverser un individu sur leur passage. Okay. Donc, par exemple, toi, tu dis à ton robot, imaginons dans quelques années, va me chercher un café, c'est un truc motorisé, mais vas-y vite, j'en ai absolument besoin. Lui, peut-être que dans la vitesse, il va pas comprendre que c'est mal que s'il renverse 10 personnes sur sa route, tu vois. Et cette constitution, un peu comme chez Amazon, d'ailleurs. C'est très futuriste, c'est un peu fou, mais ça semble maintenant nécessaire, et moi, ça me semble complètement fou, parce que ça me fait penser un peu vraiment au film iRobot avec Will Smith. Chez Amazon, ils ont ça exactement. C'est aussi des robots, par exemple, qui vont de. C'est comme des palettes. Donc tout est rangé dans ces robots-là. Par exemple, je sais pas moi, vous avez commandé un ordinateur. L'ordinateur est placé sur ce robot-là robot sait exactement où il doit se situer, où il doit se ranger. Et s'il y a quelqu'un qui passe, il y a directement un truc qui se déclenche. Et donc le robot s'arrête net. Je dois m'arrêter. Parce que la Constitution me l'oblige. C'est ça. Ne m'écrasez pas, robot. D'accord, je ne vous écraserai pas. En revanche, Roventa, mon petit collègue aspirateur, est au courant qu'il faut vous aspirer et sucer votre âme avec l'aspiration. C'était ça. Là, il faut mettre dans la constitution. Oui. L'aspirateur robot ne peut pas sucer son âme. Notre âme. On ne peut pas. Mais écoute, je te propose d'envoyer un message à DeepMind Google. On va envoyer à DeepMind Google. Ouais. Ne pas sucer l'âme des humains. Non, ok, on arrête. Merci. Ça va glisser. Là, ça va. Oh là. C'est tout, Maëva? Oui, c'est tout. Merci c'est beaucoup. C'est déjà pas mal. On se sent moins bête. Bête. D'être un petit peu affolé cette nuit. C'était très très bien. On dormira pas. Et Kix, lui, qui a loupé sa séquence avant. Ah, c'était très bien. Très bien. Vraiment très très bien. Une équipe bourrée de talents. De talents visuels. Waouh. Mais comme ici c'est de la radio, c'est pas pratique. Mais enfin, c'est promis, ils vont faire de leur mieux à l'oral. C'est Jadoul. Partout en podcast. Tous les mercredis. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est, Maëva? C'est pour la nouvelle année? Non, mais alors je vous explique, Maëva a complètement cramé la surprise. C'est qu'à le dire, ouais. Ouais, bon, Maëva vient. Donc Maëva n'était pas sur les toilettes. Joyeux anniversaire, Antoine. Oh là là, bravo. Souffle. Il les a touchés! Félicitations! Bravo! Oh, merci, c'est gentil! Ouais, des chapeaux! Oh, on a des chapeaux de fête! Trop bien! Voilà. C'est énorme ça! Si je peux! Waouh! Wow. Super chapeau! Canon ça! Bravo! Et du merci coup, les petits j'ai gars. Un cadeau pour toi, Kix! Arrête! Eh oui, il y a un cadeau! Waouh! Apprendre le français pour les nuls. Oui. Trop bien. Et à côté, t'as le deuxième tome, c'est se servir de l'écran tactile du studio. Wow. Des lingettes dégraissantes. C'est encore plus drôle pour ça. Maëva, maintenant que t'as cramé la surprise, tu peux revenir. Bah, je t'avais dit que je faisais ça. Oh, des capotes. Qu'est-ce que c'est? Trop bien. Je sais pas si on peut le dire. Parce bah, si, dis-le. Officiellement, c'est pas légal. Mais c'est les petits pots en plastique de chez McDo. Exactement. Ceux qu'on peut pas prendre de la vaisselle jetable de France. Tu vois là, tu collectionnes et t'as. Mais c'est trop moi, bien. Je l'ai volé pour toi en tant qu'ami. Il faut mais bien c'est formidable. Ça. Merci beaucoup. Et merci bon à tous pour l'idée. Bah écoute, et alors le gâteau, décrivons-le aux auditeurs. Il est où d'ailleurs? Mais dans le frigo. Et voilà. Il a soufflé. Remarquez qu'on sait moins organiser des surprises quand c'est pour quelqu'un de l'équipe que ouais. pour le patron. Mais il a mais non, mais il a soufflé les bougies, maintenant on le range, sinon il va faire la gueule. Trop bien, merci beaucoup. Mais c'est un gâteau au chocolat. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, franchement c'est super sympa. Bah avec plaisir. Je ne m'y attendais pas. C'est vrai? Ouais. On va continuer dans les surprises. Pardon. Tu vas reconnaître cette voix. Bon anniversaire, Kix. Oh, c'est la maman de Maëva? Non. Ah bon? Mais désolé presque. Pour la c'est la mamie de Maëva? Non, c'est pas du côté de Maëva. Attends, remets un peu la voix. Bon anniversaire, Kix. Ah, c'est. Non, attends, c'est immonde. Je retiens. Attends. Ah, elle va être contente. Tu la non, vois mais... tellement souvent en plus. Hein? Tu la connais par cœur. Mais je vois personne. Mais tu reconnais pas sa voix. Attends. Bon anniversaire, Kix. C'est déformé. C'est vexant. Hein. C'est déformé. C'est déformé, non? Pas du tout. C'est la maman d'Antoine qui te souhaite un bon anniversaire. C'est vrai. Ah, merci beaucoup. Mais je la connais pas. Je la connais. Mais non, pas c'est ça qui est drôle. Okay. Voilà, donc tu as c'est fait la connaissance gentil. De maman Antoine. Wow. Elle peut donner son prénom? Oui, Véronique. Véronique. Voilà. Merci Véronique. Qu'on embrasse. On embrasse. Merci, évidemment. Ça fait 10 fois que je dis Antoine, ne plus jamais dire on embrasse comme ça. Merci beaucoup. C'est pas moi qui lance. Hein. C'est vrai. Et on parlait de la maman de Maëva. Oui. Isabelle. Bonjour Kylian. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Je t'envoie plein de gros bisous. Passe une bonne soirée. À bientôt. C'est la maman de Maëva. Merci beaucoup Isabelle, merci. Merci à toutes les mamans. Il manque quelqu'un. Ah. Il manque quelqu'un à la fête. Aïe. T'as pas une idée là? Non. Quelqu'un qui t'est très cher. Cher? Financièrement? Peut-être aussi. Ton meilleur ami? Yo mon grand Kix Kix Kix et le seul Kix d'Arlon. Je pense que tu as reconnu ma voix, c'est Monsieur Smoothie. Je voulais te dire un bon anniversaire de ma part, que j'ai vraiment la chance d'avoir le meilleur ami du monde. Pour moi, tu es vraiment une personne en or. Change vraiment surtout pas, parce que tu as un grand cœur énorme. Et ça, des gens comme ça qui ont un grand cœur énorme, c'est très rare. Et aussi, je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire avec plein d'amour et de soleil dans ta vie. Merci oh, beaucoup, c'est merci beaucoup trop mignon en vrai. Il s'appelle Monsieur Smoothie. MR Smoothie sur Insta. Ouais. Voilà, MR Smoothie. Ça, je lui fais un petit peu. C'est super gentil, merci beaucoup Théo. Et il en a rajouté. Les activités, mes événements ne font que commencer. Et je voulais te remercier pour le soutien de ta part pour mes projets artistiques, musicaux. Ne t'inquiète pas, ça ne fait que de commencer. 2024 va commencer en beauté. Et je te réserve plein de surprises. Oh. Et dis aussi à Jadoul que j'ai sa smoothie création. J'ai droit à un smoothie. La smoothie création. J'ai droit à un smoothie. Oui, j'adore les smoothies. Il fait des créations super bien. Des belles créations, pardon. Et des fruits et du lait. Non, il dessine et il a plusieurs. Ah, ça se mange pas. Non, ça se mange pas. Oh, mais il fait en gros, il fait de l'art. Oui. Alors et non, c'est mais super rigole, beau, mais vraiment. Il a fait un portrait de moi. Qu'il a encadré. Il est encadré, et, oui. Il est impatient de me l'offrir et donc je l'embrasse. Et s'il nous écoute ce soir, bah, on va s'arranger très vite pour le récupérer. Coucou mon kiki d'amour, c'est ma monnette. Je voulais te faire une belle petite surprise dans l'émission de chez Jadoul avec sa belle équipe. Pour ton anniversaire, ma monnette te souhaite un très joyeux anniversaire. Je te fais plein de bisous et reste comme tu es. T'es le meilleur des enfants qu'on puisse espérer avoir. Mais c'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Je pense que c'est la première fois que j'ai les larmes aux yeux, hein, pour le coup. Bah, tu vois. Ça se voit peut-être pas, mais. Elle en a rajouté. T'es super cool, gentil avec tout le monde, serviable et tout. Je t'aime. Je te fais plein de gros bisous. Et salut à l'équipe. sais pas. Ah, la maman, elle a plus adorable. Elle est adorable, si. Ta maman. Ah ben, je l'aime, c'est pour ça. Voilà. Et nous, on l'aime énormément, pour cette raison. Alors, une petite anecdote de mon petit d'amour. Oh non, mais quand non. il était petit, malheureusement, il avait une allergie au lactose. Donc, à la place des biberons, comme les autres bébés, bah, il a dû prendre du jus de carotte, même quand il était un peu plus grand, qu'il était à l'école. Ça fait que Kiki est devenu tout orange, comme une carotte. Kiki, c'est tout orange, comme une carotte, c'est vrai. C'est vrai. J'avais les professeurs, on était en classe verte. Attends. Et quand il était en classe verte, quand il devait se mettre tout nu tous pour aller à la douche, bah, le seul qui était tout orange et les autres tout blanc, bah, c'est notre Kiki d'amour. Alors la prof, elle rigolait et les élèves aussi, quoi. Mais moi, je trouvais que ça lui allait bien et voilà. Ce que j'adore, c'est qu'elle dit quand même, moi je trouve ça sympa, alors que tout le monde se foutait de sa gueule. Mais c'est vrai, en plus j'avais la paume des pieds aussi qui était orange, mais c'était mais vraiment mais le savoir. Tu ressembles à une chiche. Le mec qui ressemblait au logo versé. Kik, c'était un cône orange. C'était un truc de dingue. Bah voilà, si vous voulez bronzer. Oh, mais des anecdotes, il y en a plein sur lui. Oh non, non, stop. Un rien avec lui, ça fait une petite blague, il est trop marrant, quoi. J'adore. Ça a bien fait rire, l'histoire des carottes. Jamais bien. Allez, bisous, bisous à vous tous. Et bonne soirée. Bisous, bisous. Elle est adorable, mon embrasse, Christine. Je t'aime. Oh, et franchement, tu peux lui faire un très gros bisou à la radio. Je t'aime vraiment fort. Je te fais un gros bisou, pardon, j'avais pas parlé. Et je remercie aussi tout le monde, enfin tous ceux qui m'ont envoyé un message. T'es super sympathique et super mignon. Merci beaucoup. Voilà, et on va déguster un bon morceau de gâteau. Et merci à vous aussi pour la surprise. Tous les mercredis, c'est avec un bon morceau de gâteau. Et c'est avec Jadoul. En podcast. Bien voilà, merci Simone. L'ambiance est bonne. Oh là là, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Raconte-moi, oui, raconte-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Ce soir, on va faire la java. Hey, hey! La boum, la fête et la java. Grâce à Maëva, on a eu une idée. On ne va pas s'arrêter là. Non, arrête. Ah si, si, on a d'autres surprises. Encore avec l'anniversaire? Oui! Bon anniversaire, Kix. Pourquoi vous avez enlevé les petits chapeaux? Les petits chapeaux. Non, moi je l'ai gardé. Mais... Moi je rentabilise le chapeau. Hein. Bah, je l'ai gardé. Voilà, moi aussi. C'est bon. On est beau. On ressemble à une secte. Mais non, je dis, on dirait Mickey dans Fantasyland. Ah, bah, c'est ceux qui ont l'image. Oh là là. On y va pour cette nouvelle surprise. Oui. Tu travailles avec moi depuis plus de 10 ans. Oui. Et on a retrouvé ta toute première émission de radio. Oh mince, aïe aïe aïe. Bon, ça va, j'ai pas évolué. Bah, je pense que, franchement, on va tous prendre une grande claque parce que t'as quand même bien évolué. On retourne en 2018. Aïe, 18 ans. Le 10 février, t'avais 18 ans donc. Ouais. Et voici ta toute première intervention en direct à la radio. Je trouve que cette musique n'était assez pas mal de Maître Gims. On fera passer plusieurs musiques assez entraînantes, assez engayantes. D'ailleurs là, on va vous mettre dans pas longtemps la musique de Luis Fonsi et Demi Lovato qui sera Echam la Culpa. Elle vient tout de suite. Si on la trouve dans le répertoire. Oui, c'est ça. Ah bah non, tout de suite nous allons mettre la loose single. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Hein. C'est le cas de le dire, voilà. On vous envoie tout de suite la loose. On entend le petit meuh à la fin. C'est une pépite, ça. C'est énorme. Ça vaut de l'heure, ça. C'est mieux que ce que je m'imaginais. Ça se lançait déjà pas. Je trouve ça génial. Bah non, là, c'est génial. Tu vois sur l'écran en face de toi la loose. Ouais. Ah, c'est pour moi. On va refaire l'intro. Non, arrête, je sais pas le faire, moi. C'est pas mon métier. Hein. On va voir si, depuis 2018, ça a évolué et si tu sais faire une intro de disque. Je sais pas. D'accord, t'as 15 secondes, t'as le décompte. Tu vois le décompte à côté du disque? Ouais. Là, 15, là où c'est écrit 15. Là. C'est le mauvais côté, ok. Je dois parler durant 15 secondes donc. C'est ça. Donc tu fais bienvenue, on est en direct. Tu fais l'animateur radio en fait. Je prends ma voix de radio? Bah. Une voix d'animateur normal en fait. Attention, 3, 4. Vous êtes les bienvenus, j'espère que vous plaisez bien sur cette radio. Tout de suite, on va écouter la loose, c'est qui? Bah, c'est Shanguy, on adore. Vous l'entendez? Quelle belle musique. Ah, il est fort ce Shanguy. Dans quelques instants, on aura également Oh We Roll. Ce sera Tiara. Tout de suite. Je te cherche dans la foule. Pas mal. Non, j'ai parlé sur la musique, c'est pas... Il a un tout petit peu parlé sur la musique. Le calage est à... Vous savez quoi? On va vérifier si à sa première intro de titre dans son émission de 2018, il a fait mieux. Tout de suite, nous allons envoyer la musique de Beyoncé. Que... qui s'intitule All Night. Nous avons eu un petit bug, mais nous renvoyons tout de suite la musique. Il n'y a pas de souci, ça arrive. Ça arrive partout d'ailleurs, dans toutes les grandes radios. C'est comme ça. Voilà. J'adore. C'est comme ça. Dans toutes les grandes radios. C'est comme ça. Troisième speak. Oula. Belle petite instrumentale. D'ailleurs, la Beyoncé, on ne sait pas où elle est partie. Elle est peut-être partie en vacances. Nous allons nous diriger vers Stromae. Et oui, Stromae, qui a changé de coiffure. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de la coiffure, la nouvelle coiffure de Stromae, les cheveux longs avec son petit chignon là. Est-ce que vous trouvez que c'est à son goût ou non? Réagissez sur la page Facebook ou Twitter, Ferrari, ou par téléphone au plus 32 49 9 15 75. Et tout de suite, on s'écoute Ta Fête. Danse. J'ai mangé la musique. Oui, alors. Bon, évidemment, t'as bouffé l'intro. On peut s'en faire un suivant, s'il te plaît. Allez. Allez, le disque se termine. C'est maintenant. Vous êtes toujours mieux à faire, les Russes. Il est 19h43. Donc voilà, je vais vous trouver tout de suite une musique. Voilà, je vais mettre Le Maître. Donc de 1749 EP. Je connais particulièrement pas du tout. Ah, Klauser, pardon. Klauser. Oh, c'est la meilleure des blagues en fait. Nous sommes le 1er avril. Oui, on me fait une petite blague en régie. Voilà, c'est Klauser de Fit Jenny A. Non, pas Fit Jenny A, mais avec Jenny A. Ah, c'est pas mal ça, j'aime beaucoup ça. Vous êtes toujours sur MFL avec nous. On va bien se marrer, on va bien se foutre de ma tronche d'ailleurs. Allez, reste avec nous. Donc, c'est oui. C'est magique. En vrai, c'est trop bien. T'avais bouffé l'intro, mais alors, on va voir si 4 plus 2, ça fait 6 ans plus tard, tu arrives à tenir l'intro. T'es prêt? Ah, attends, je mets 10 secondes. Quelle intro là? Closer, Le Maître, pareil. Oh, on y va. 21h59. Bah oui, on adore donner l'heure ici sur cette magnifique radio. Restez à l'écoute, Closer tout de suite. Bon, c'est la même intro qu'avant. Hein, je fais la même. On a juste pas eu l'artiste. Bah oui, mais tu l'as interrompu aussi. Ah, toi. Pardon. Bah si, Closer Le Maître. Non, mais j'ai compris. C'est pas. Ah merde. Qu'est-ce que je vais trouver maintenant? On va la refaire. Meilleur artiste de tous les temps. Il a été nominé la semaine passée. Je dis n'importe quoi. Bah j'arrête des infos. Écoute, on se fait plaisir ici. C'est Closer. Le titre, l'artiste c'est Le Maître. Ah, c'est pas mal. Et franchement, tu sais quoi, on va terminer avec ta toute première émission radio, donc tout seul, avec ton dernier speak. Ben voilà, c'est une belle soirée, je trouve. Dans pas longtemps, il y aura l'émission Jadoul qui sera vachement mieux que celle que je viens de sortir ce soir. Par contre, je me suis excellemment bien marré, c'était vraiment très très cool. Même si j'ai pas pu dire grand chose, j'essayerai de m'améliorer pour les prochaines émissions radio. Et voilà, tout de suite nous allons nous écouter Imagine Dragons, donc c'est la Whatever It Takes, que j'aime particulièrement bien. Essayez de réagir sur les réseaux sociaux. Et je mange la musique et c'est reparti. Kiki, t'es exceptionnel. Mais c'est pas bon, ok. T'es vraiment, mais alors génial, franchement bravo Kix. Et le principal, c'est de s'amuser, bien sûr. Évidemment. Et c'est là qu'on voit qu'animateur radio, c'est un vrai métier. C'est oui. Pas, et qu'on a beau le faire depuis 8 ans. Ouais, c'est pas juste être assis et parler comme ça. Non, il faut toujours avoir des sujets, avoir des choses à dire. Il faut. Je peux vous mettre un dernier bonus. Allez. On est encore sous le coude. Kix. Oui. Il y avait un jingle. Oh non. Et le problème, c'est que tu pensais avoir éteint ton micro, sauf que. Un objet a été sélectionné et caché dans une boîte par l'équipe. Serez-vous deviné de quoi il s'agit? Un god. C'est l'objet du peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu. Reviens. Le fou rire que ça a provoqué. Oh, purée. Donc j'ai sorti le mot ingod, voilà. Ouais. Et des fois, Kix, il tente de faire des imitations en live ou du moins tester des nouveaux personnages. Viens te coucher, Antonio. Je voulais faire le père en fait là. Ah d'accord. C'était le pervers. C'est dégueulasse. C'était pas le père, c'était le pervers. Là. Ça fait vraiment. Viens mon fils, on va se coucher. Attends, je vais faire la maman. Va te coucher, Antonio. Oula, c'est vraiment... C'est une espèce de vieille cruche. On sait pas ce que... Mais qu'est-ce que t'as voulu faire? Attends, comment on fait une voix de femme? C'est très compliqué pour toi, en tout cas, visiblement. Essaye un coup. Viens te coucher, Antonio. Non, c'est impossible. Attends, parce que le ça, petit de voix, c'était toi. Bah oui, j'avais lancé des personnages. Mais t'as changé de voix aussi. En fait, t'avais grandi tous les deux. Bah oui. Par contre, Kix, t'avais un accent. Enfin... C'est les fins de soirée. Antonio. Dernier son que j'ai dans le délire, on fait des trucs avec tout et n'importe quoi. Je vous propose de découvrir ceci. Vas-tu trouver des... Ah oui, j'ai oublié de contextualiser. On a envoyé Kix avec un micro sans fil dans la rue en dehors de la radio. Ah. Il faisait moins 5 degrés. Vas-tu trouver des gens pour nous parler ce soir? Ça m'étonnerait. Alors là, je pense que c'est plutôt mal parti. Hein. Oh, mais tu trouveras. Il n'y a qu'un seul con pour être dans la rue. Hein. Bah oui, c'est toi. Voilà. Non, par contre... Petite pensée à tous les personnes sans abri qui n'ont pas de maison et qui mais c'est pas une blague hein, qui vivent dehors. Tu dis ça parce que t'es dehors. Oui. Mais je suis pas sans abri hein, je OK, très bien. La neige, elle tient ou elle fond? Ah, peut-être pas mettre mes mains dedans, mais d'après mes chaussures ça... D'après non, mes elle tient chaussures. En fait. Elle tient, ouais. Tes chaussures au moins elles sont étanches. Ouais, elles sont étanches. Ah, okay. J'ai des Crocs. Des Crocs, des Geox. Chaussures qui respirent. Allez. Et merci pour toutes ces années de radio, ouais, quand même. T'as déjà vu, je pensais déjà au SDF. Oui, bah, franchement, oui, t'as toujours eu cet esprit quand le bon même, cœur. Pour les autres. Ouais. Bon, il faut que tu sois dehors pour y penser, mais non. C'était pas mal. Merci, Kix. Avec plaisir. Mais merci à vous. Encore bon anniversaire. Merci beaucoup. Tous les mercredis, c'est avec Jadoul. En podcast. Allez, raconte-nous, s'il te plaît. Oui. Alors, en fait, on se disait que ma voix avait un petit peu changé. J'ai dit, avant, oui, je parlais un peu comme un baraki. Enfin, j'étais un peu plus, voilà, cassos. Tu t'habilles comme ça aussi. Et je m'habillais aussi bizarrement. Ouais. Enfin, bizarrement, voilà, bref. Et j'ai relu donc des conversations de 2016. Des vieilles conversations Messenger. Et j'ai seulement compris aujourd'hui les conversations. C'est-à-dire qu'à l'époque, je comprenais rien. Les gens, ils me parlaient, je comprenais rien du tout. C'est ça, en 2024, je me suis dit, mais en fait, j'étais vraiment con. Donc, je les ai supprimés, j'avais trop honte et voilà. Bah, t'es pas le seul, je pense, qui a ce recul quelques gênant, années plus tard. C'est gênant. C'est très gênant. Bah, on était gênés déjà à l'époque, nous. En tout cas, merci Kix pour ce grand moment. Ça permet de mieux nous connaître. Hein. Et au final, c'est vrai que vous avez entendu des extraits d'émissions. L'émission s'appelait aussi Jadoul, c'était juste il y a en 2018. On s'entraînait déjà. On s'entraînait déjà. Et pour le moment, on est toujours en répétition. Hein. Dites-vous que là, on n'est pas sur quelque chose d'abouti. The music machine. The music. Machine. Music machine. La musique machine. Music machine. La music machine démarre cette semaine. Je compte sur Maëva pour faire les points. Moi? Ouais, c'est toi qui fais les points. Bah, ils sont où les clowns? J'ai viré tous les personnages sont virés. Allez, on démarre avec la première manche. Tout vient de TikTok. À vous de reconnaître titre artiste. Dans son vieux par-dessus râpé, s'en allait l'hiver. Antoine, Guichard, mon vieux. Ouais. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Ah, c'est chouette ça. Mon vieux. Version TikTok. Chez nous, il n'y avait pas la télé. C'est dehors que je l'ai cherché. Oh, oh, oh. La version TikTok est presque plus entraînante que l'original. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Énorme. Et le climax quand même de la chanson. En pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien que tu sois près de moi. Oh là, mais ça va, on n'a pas envie de déprimer ce soir. Le point va pour Antoine, Maëva. Oui. C'est parfait, deuxième manche. In the Air de Phil Collins. Eh ben, ah, ça a dégainé rapide. Hein. Ah, ça tire à balle réelle. Hein. J'adore Phil Collins. J'adore ce titre. Ah, mais c'est légendaire. Hein. Version TikTok. Ah, c'est bien. Oh non, non. Oh, non. Ah, yeah. Il parle aussi bien anglais que moi. C'est fou, hein. Phil Collins en wallon. Ah non, on va peut-être éviter. Maintenant, c'est moi qui dois trouver le point alors. Bah, j'espère. Ah, oui, comme ça, on est sur une égalité. On est égalité, qu'on fasse au moins des bonus. Ah, je me concentre. Moi, dans le blanket, j'ai des bonus, moi. Je te vous emmerde. Bonsoir. Allez, je te vous emmerde. Ça va, après avoir eu un quart d'heure d'émission rien que pour toi, je peux. Hein. Ça va, ça va. Troisième manche. Sur au-dessus du berceau, une photo d'un Renaud. Oui. Je connais pas la musique, mais... Ses poils, elle veut plus le voir traîner autour du paddock. En cloque. Plus calé. En cloque. En cloque. En cloque, c'est le titre, bonne réponse. Faut que tu tires les gosses, t'en prends dans la chambre, tu tires aux idiots. Quel coup, c'est que son petit bonhomme. Ah, elle a du talent, Paulette. Eh bien, c'est que même si je devais. Allez, la même avec les dents maintenant. Avant dernière manche, on fait un petit récap sur les points. Avant ça, maître Maëva. Un partout. Un partout. T'as vu? Et ça va se jouer maintenant. Allez, de l'autre côté de la radio aussi. Ah, si. C'est les Red Hot Chili Peppers. Oui. C'est les Californication. Oui. Bah Eva est fan. Attends, elle a le logo tatoué sur le corps. Ouais. Mais non, pas sur le cœur. Sur les le fesses. Corps. Ah oui, oui, oui, oui, là. Ouais, ouais, il est beau en plus. Il dirait que tu travailles à la Croix-Rouge. Mais non. Piqué ici. Ah, il y a du talent, Rada, non? D'accord, bon. Moi, je veux bien le faire. Mais déjà, ça mais je chante guitare. Comme Rada, donc ça n'ira pas. Ça veut dire mais je voulais bien chanter, mais je chante pas bien non plus. Enfin, je vais finir dans Blank Lane, quoi. Vite. Oui, bah oui, voilà. Oui, vite, vite, vite. Dernier titre, manche finale. Antoine, tu peux encore faire l'égalité. Mmh. Bah, et moi. On est à voir la mer. Oui, Julien Doré, nous. Bon, bah voilà, c'est plié. Hein. Pardon. On s'en fout. Nous. Oui, ouais. Oh bien, bravo. Et vers son TikTok. Nous, oh là. Nous, on s'en fout. Il a au maximum de son énergie, Vanoa. Hein. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre. Nous. Et le meilleur moment de la chanson. Nous, on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre. Oula, notification. Tant qu'on est. Faible. Bon, franchement, on s'en sort plutôt pas mal. Les points, Maëva. Du coup, un pour Antoine, un pour Kix et trois pour la meilleure Maëva. Bravo. Non, c'est pas une musique de fête. Pourquoi j'ai un flûtiste? Bah, parce que voilà, je préfère ça. Ah, ça c'est mieux. Là j'ai le temps ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que un barbecue, viens enfin un barbecue. On est un peu à l'avance pour clôturer l'émission. Ah donc qu'est-ce qu'on rajoute? Le jeu de la chanson? Non, on va rien rajouter. On va rien rajouter. Allez. Parce que sinon on va l'avoir dans le nez. Donc je vous propose simplement c'est de clôturer l'émission comme ça parce qu'on a fait une très bonne émission jusqu'ici. Ouais, oui. C'est vrai, c'était voilà. Très bien, très chouette. Mais encore merci pour toutes les surprises. Et maintenant on va passer au gâteau. Le gâteau. Bah oui, c'est vrai parce que. On a eu, j'ai vu, j'ai aperçu un gâteau. Et puis on il a soufflé les bougies. Il a soufflé les bougies. J'ai soufflé, mais il allait fondre dans le studio, il fait super chaud. Les auditeurs sont en haleine. Ils sont depuis une très longue haleine en train de se demander. Ma mère, ça. Oui. Ma mère s'appelle Longue Haleine. Joke. On voulait savoir à quoi il ressemblait ce gâteau. Eh ben, il est au chocolat, c'est un bavarois chocolat avec des petits morceaux de macarons sur les côtés. C'est parfait, vous entendez ça? C'est Kayev qui a oublié que c'était plus Noël. Bling, bling, bling, ouais, bling. Ouais. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, en podcast partout. Jadoul dans la trappe. Merci de nous avoir choisis. Des bisous. Ciao, ciao. Bisous. À bientôt. Bisous, bisous, ciao, ciao. Ciao. Merci. Jadoul revient mercredi prochain.